なく大阪に到着します。 Chita, Konnichiwa, Campari, Charles de Gaulle, Tokyo, Narita, Needles, Capital, Bims, Nanamika, Maillot d'Osaka, Rose Noire, la Lisa. Fier de ma ville, même en Ligue 3. Croise-nous à l'autre bout du monde, ça se voit qu'on habite là. Je traîne encore avec mes vieux potes qui s'habillent mal. Des beaufs qu'appellent tous les Asiatiques des Chinois. Pour mes ados attardés sous sativa. Tellement en manque d'identité qui prie déjà. J'ai des potes qui rappent mieux que toi qui font des pizzas. Des gars du chantier à deux pintes à midi 3. Demande pas où je suis là. Toujours là comme les babos en festival. Pas le temps de bitcher sur ces billages. Dis merci, j'ai toujours pas ma forme finale. Arrête, s'il te plaît, arrête de forcer. C'est pas toi ni ta vie, c'est du cosplay. Y'a que des putains de poseurs. T'écoutes mon album à minuit quand il sort comme les chômeurs. T'es claqué comme, éclaté comme. Tu dis de la merde, tu regrettes et t'effaces tes comme. Plus tu parles dans le vide, plus ça résonne. Plus je vieillis, plus je baisse des mères, c'est la norme. Superstar pour les normies, t-shirt trick et morty, rien à foutre de leur vie. J'suis dans le camp de saleté devant l'ordi, dans un bureau sordide entre Evelyne et Monique. Au Japon, tout le monde m'appelle Aurel San-San. J'suis leur Aniki, leur sensei, leur senpai. Au Japon, tout le monde m'appelle Aurel San-San. J'continue de level up pendant que tu level down. C'est qu'un petit sparring, mais comme t'es un haineux, tu mets les coudes. Par pitié, arrête de t'auto-sus et tu vas te péter le cou. 100% des mecs qui m'insultent sur X sont des pépés foot. J'arrive bombe humaine en criant bande de bâtards, aimez-vous. Ton fond d'écran, c'est ta meuf, suis ta meuf, c'est un paysage. J'envoie ma bite en photo, retourne ton portable en paysage. Tu t'approches près des enceintes et tu repars avec un défrisage. Je fais n'importe quoi, ça devient viral, j'suis comme le VIH. Avant, j'm'éclatais sur des sons bizarres dans des bars en fumée. J'ai vu des petits bourges devenir punk à chien ou punk à furet. Ton petit frère est vert fluo, tes potes mongols ont fait fumer. J'suis déjà passé par là, j'sais que c'est dur, mais ça va pas durer. J'ai toujours été hors sujet, à l'école j'étais hors sujet, en famille j'étais hors sujet, dans le showbiz j'me sens hors sujet. J'prends pas de coq, j'suis juste enrhumé, j'sors pas de chez moi, j'suis emmuré. Grosse équipe débile dans le QG, cherche pas, j'rentre pas dans le budget. J'envoie des signaux, mais tu vois pas que j'fais semblant d'être intéressé. J'reste poli 3 minutes après, j'commence à oublier le respect. Appelle-moi quand t'as fini le jeu, j'te raconterai les DLC. Bande de bâtards, un jour va falloir rembourser les NFT. Superstar pour les normies, t-shirt trick et morty, rien à foutre de leur vie. J'suis dans le camp de saleté devant l'ordi, dans un bureau sordide entre Evelyne et Monique. Au Japon, tout le monde m'appelle Aurel San-San. J'suis leur Aniki, leur sensei, leur senpai. Au Japon, tout le monde m'appelle Aurel San-San. J'continue de level up pendant que tu level down.